Bonjour à tous. Dimanche 1er janvier 2017, bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les principaux titres. Assassinat cette nuit de ce samedi du ministre de l'Environnement Emmanuel Niyonkuru. Le porte-parole de la police annonce que les enquêtes sont déjà en cours. Pierre Ngurikiye donne les détails dans ce journal. Ce forfait est condamné par le secrétaire général du parti IPRONA qui appelle les Burundais à rester unis. Le président de la République met en garde tous ceux qui voudraient perturber la sécurité. Pierre Nkurunziza reconnaît que les relations entre le Burundi et certains pays se sont détériorées. Il a annoncé au cours de son message à la nation du 1er janvier 2017. Le directeur général des transports indique qu'il ignore l'information selon laquelle les gilets portés par les taxis vélos seront bientôt changés, niant son implication dans le plan de changement de ces gilets. La Braroudi a procédé à partir de ce dimanche, 1er janvier 2017, à l'augmentation des prix de bière et harmonisant les prix sur le territoire national. Voilà pour le sommaire de ce journal, mis en onde par Albert Nwayo. À la présentation, vous êtes avec Alain Désiré Bukeneza. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Débutons ce journal par la page sécurité. Le ministre burundais de l'Environnement a été assassiné ce samedi en milieu de la nuit. Le porte-parole de la police confirme l'assassinat du ministre Emmanuel Niyonkuru. Pierre Ngurikiye précise que l'enquête a déjà commencé. On l'écoute. C'était vers minuit passé de 45 minutes lorsqu'il est rentré chez lui à Rohero 1, près du campus de l'université de Mutanga. Il était à bord de son véhicule qu'il conduisait. Et à bord du même véhicule, il y avait aussi une femme avec laquelle il venait. Et arrivé au niveau de sa résidence, on lui a ouvert le portail et puis le véhicule est entré à l'intérieur de la parcelle. Et arrivé à l'intérieur de la parcelle, une personne a tiré sur lui trois coups par un fusil de type pistolet. Et le ministre est mort sur le champ. La femme qui était à bord de ce véhicule a été arrêtée par la police et elle est maintenant sous enquête, de même que les deux veilleurs, celui qui avait ouvert le portail, sont tous maintenant sous interrogatoire. L'enquête montre que le tireur était à bord du même véhicule et donc il doit être reconnu par cette femme, si ce n'est pas elle-même, ou alors par le veilleur qui a ouvert le portail, si la personne était déjà à l'intérieur de la carcère. Et c'était à quelle heure quand l'incident est survenu? C'était vers minuit, passé de 45 minutes. Le parti IPRONA condamne cet assassinat. Le secrétaire général de ce parti appelle les Burundais à rester unis après ce forfait. Olivier Nkurunziza interpelle au même moment les autorités habilitées à faire des enquêtes le plus rapidement possible et de communiquer aux Burundais le motif de son meurtre. On l'écoute. Ce genre d'assassinat ciblé, c'est une autre forme de diviser les Burundais. Alors nous demandons les Burundais de rester unis pour faire face à ce genre d'assassinat ciblé. Mais aussi, nous condamnons énormément. Il n'y a aucune justification pour aboutir à des faits politiques qu'on doit d'abord tuer à une personnalité comme le ministre de l'Environnement. Alors, le parti IPRONA demande aux Burundais et au gouvernement, mais aussi surtout à la police de faire des investigations, des enquêtes qui aboutiront très prochainement pour savoir la vérité et les motifs qui ont poussé ces malfaiteurs de tuer le ministre de l'Environnement. Continuons avec cette page sécurité. Sept personnes ont été blessées au cours de cette nuit à Muzinda, en commune Rugazi de la province Bubanza, suite à une grenade qui a été lancée dans une maison de prière. Par ailleurs, au village 5 de la commune Gihanga, cinq personnes ont été arrêtées ce samedi après une fouille perquisition qui a été opérée par la police. Les détails avec Space Caritas Kabanyana. C'est aux environs de 23 heures au cours de cette nuit de samedi à dimanche qu'une grande explosion de grenades a été entendue à Muzinda, en commune Rugazi, dans cette province de Bubanza. Des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés ont lancé la grenade à travers une fenêtre et du coup, sept femmes ont été blessées, dont deux grièvement, selon des sources policières. L'intervention des policiers a été rapide et les victimes ont été vite évacuées à l'hôpital. L'homme connu sous le nom de Léonce qui animait la prière a été arrêté par la police et selon le commissaire provincial de la police dans cette province de Bubanza, Daniel Emmanuel Nizigimana, cet homme sera aussi sanctionné du fait qu'il continue à rassembler les gens et à animer la prière dans des maisons non reconnues par la loi, alors que même les autorités provinciales l'ont interdit. Par ailleurs, au village 5 de la commune Gihanga, 5 personnes ont été arrêtées par la police ce samedi après une fouille et perquisition opérée ce samedi matin. Rien n'a été trouvé dans les maisons fouillées, selon les témoins sur place au village 5. C'est Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Page droit de l'homme. La police à Bururi à Mugamba a procédé à 10 arrestations ce samedi. Les uns sont accusés de produire et vendre des boissons prohibées, communément appelées igiti, et d'autres ont été arrêtés, soupçonnés de se préparer à perturber la sécurité. Depuis Bururi, c'est un reportage signé Jean-Pierre Misago. Deux personnes ont été arrêtées à Taba sur la colline Nyaviamo en commune Bururi le matin de ce samedi. Elles sont poursuivies pour production, vente et consommation de boissons prohibées, appelées communément igiti. 8 autres, parmi lesquelles Tunanyi Terence, chef de secteur Nyakimoni en commune Mugamba, ont été arrêtés aux environs de 17h de ce samedi dans un bistrot de la place. Des témoins sur place disent que ce chef de secteur qui était sur place voulait savoir le motif de cette arrestation, car la patrouille militaire et policière l'a aussi arrêté. Et c'est lui parmi ce groupe qui comptait à son actif 6 jeunes gens qui tentaient de fuir et étaient sérieusement tabassés. La police à Bururi confirme ces arrestations, ignorant tout de même qu'il y aurait des personnes tabassées. Cette police informe qu'elle détenait des informations selon lesquelles ce groupe se préparait à perturber la sécurité dans Mugamba. Elles sont toutes sous interrogatoire pour ensuite libérer les innocents selon les mêmes sources. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h, passé de 4 minutes au studio de la radio Isanganiro, continue avec ce journal par la page politique. Le président de la République met en garde les fanteurs de troubles qui voudraient perturber la sécurité. Dans son message à la nation de ce 1er janvier 2017, Pierre Nkurunziza se moque des pays qui se vantent qu'ils peuvent attaquer le Burundi. Cependant, il reconnaît que les relations entre le Burundi et certains pays se sont détériorées et promet que si cela continue, le Burundi va rompre ses relations. On l'écoute, il est traduit en français par Joseph Sabiabandi. Kuva mu mwaka 2015 imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu bimwe bimwe mu Rwanda n'ububirigi yaratitutse biturutse kuri ivyo bihugu ubwavyo. Depuis 2015, les relations entre certains pays, dont le Rwanda et la Belgique, se sont détériorées à cause de ces pays. Nous leur demandons de se ressaisir et de respecter les instruments internationaux qui régissent l'indépendance des pays et les relations entre les pays. Au cas contraire, le Burundi est prêt de suspendre ses relations avec ces pays. Le Burundi ne peut pas continuer à endurer le mépris. Nous l'avons annoncé publiquement que nous n'allons jamais mettre en application des mesures prises à l'encontre du Burundi sans qu'il ait été consulté. Nous le répétons encore une fois, les Burundais n'accepteront plus le mépris des nations, plus jamais de servitude. Même si la sécurité est totale dans le pays, l'État restera vigilant pour sauvegarder la paix. Ici, nous interpellons la population à faire de même dans le voisinage et de dénoncer toutes choses suspectes à travers les comités de sécurité. Nous interpellons également ceux qui s'obstinent à vouloir perturber la sécurité. Ceux qui voudront le faire seront victimes de la situation qu'ils auront eux-mêmes créée. Le gouvernement est prêt à combattre toute chose qui viendrait perturber la sécurité des Burundais. Comme le stipule la Constitution, nous continuerons à défendre les frontières et l'indépendance du pays. Nous mettons en garde tous ceux qui se vantent qu'ils peuvent attaquer le Burundi. De surcroît, nous allons continuer à défendre l'unité des Burundais. turasubiye kubagabisha tubibutsa ko uwuzokarisha ruzomumwa byongeye tuzobandanya guhagararira ubumwe bw'abarundi. Le président de la République précise qu'en 2017, plusieurs chantiers sont prévus, parmi ceux-ci l'amendement de la Constitution. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Page bonne gouvernance. Les lois peuvent être controversées au cas où le législateur n'a pas tenu compte tantôt des intérêts des uns des autres, tantôt pour l'intérêt général. Tels sont les propos du président de l'ONG locale Parsem, après que le Parlement ait voté deux nouvelles lois, l'une relative aux organisations non gouvernementales étrangères, l'autre relative aux associations sans but lucratif. Selon Faustin Dikoumana, un dialogue s'avère nécessaire par rapport à ces deux lois. Suivez Faustin Dikoumana, président de la Parsem. L'ONG et l'association de la société civile, les deux lois qu'on dit controversées, nous disons que ben, des fois les gens élaborent ou votent des lois sur le coup d'émotion, sur le coup de l'émotion, suite à certaines conjonctures du passé. Mais je dois dire qu'il y a certains articles qui sont problématiques et j'aimerais qu'un dialogue continue à être mené par rapport à ces deux lois. Parce que de toutes les façons, tous ceux qui ont voté pour ces lois pourront se trouver demain, changer de carrière, être des activités de la société civile, créer des organisations pour contribuer et au développement en étant dans le secteur non gouvernemental. Du côté du gouvernement, le président de la République indique que les organisations doivent se conformer à la nouvelle loi. Au cas contraire, Pierre Nkurunziza indique que le gouvernement aidera ces organisations à retourner chez eux. On l'écoute. Il est traduit en français par Didier Nyonzima. Nous avons constaté qu'il est nécessaire qu'ils travaillent avec tous les Burundais parce qu'ils effectuent leurs activités dans le pays et ne travaillent pas avec la moitié des Burundais, mais c'est avec tous les Burundais. Alors nous allons continuer avec ceci et nous allons y mettre des efforts. Je voudrais vous dire qu'elles ne sont pas les seules, même dans d'autres pays de la région, à les demander. Ceci a eu lieu, ils ont pris des décisions et des nouvelles lois ont été mises en place, ce qui a poussé certaines organisations, à peu près des centaines, à partir. Au lieu d'apporter des aides qui divisent les Burundais, vaut mieux garder ces aides-là et qu'on continue à vivre tel qu'on vit actuellement en harmonie. Alors, on dira non à celle qui ne voudra pas respecter la loi et qu'elle comprenne qu'elle doit travailler dans la zone que nous lui avons indiquée. Car il y en a beaucoup qui venaient en disant « notre zone d'intervention sera uniquement celle-là ». Quand l'État a déjà détecté un problème, sa raison d'être est de trouver une solution durable pour qu'on puisse collaborer avec ceux qui veulent bâtir le pays. Mais ceux qui veulent le détruire et monter les Burundais les uns contre les autres, nous leur ferons rentrer chez eux pour qu'ils aillent travailler là-bas. Page commerce de ce journal. Compte tenu de l'augmentation de la taxe de consommation sur les bières qui a lieu à partir du 1er janvier, ainsi qu'à l'augmentation de l'eau, de l'électricité, le carburant et malt, le roublon, la société Brarudi a décidé de revoir à la hausse les prix consommateurs recommandés à partir de ce dimanche 1er janvier 2017. Ainsi, le prix consommateur recommandé à la bouteille de Primus 72 centilitres passe de 1300 à 1400 francs burundais. Le prix de la Primus 50 centilitres reste inchangé, soit 1000 francs burundais. Le prix de l'Amstel 72 centilitres passe de 1700 à 1800. Le prix de l'Amstel 50 centilitres de 1300 à 1400. Le prix de l'Amstel Bock de 1100 francs à 1200, le prix de la Amstel Royale à 1800 à 2000. La bière Nyongera bénéficiait jusque-là d'un régime de taxation préférentielle pour les bières constituées de 100% de matières premières locales agricoles et afin de favoriser le secteur agricole burundais. La bière Nyongera est désormais soumise au même régime de taxation que les autres bières, ce qui représente une augmentation de la taxe de consommation de 550%. Par conséquent, le prix de la bouteille de Nyongera passe de 900 francs à 1200 francs. Les prix de l'intérieur du pays seront désormais les mêmes qu'à Bujumbura. La Brarudi compte sur l'habituelle bonne collaboration de tous les points de vente et détail pour rester ces prix consommateurs recommandés. Page transport. La Direction générale du transport nie son implication dans le plan de changement des gilets porté par les taxis vélos. Le directeur général du transport indique qu'il ignore l'information selon laquelle ces gilets seront bientôt changés puisqu'ils ressemblent à ceux de la police de roulage. Il dit plutôt qu'il s'agit des spéculations des responsables des associations des taxis vélos qui ne veulent que de l'argent. Au cours de la conférence publique de ce vendredi, le président Pierre Nkurunziza a requis des sanctions contre les organisations qui perçoivent de l'argent illégalement. Obin Niyonkuru. Selon le directeur général du transport, Jean-Claude Mawenimana, les responsables des associations des taxis-vélos ont tout simplement voulu copier-coller ce que le ministère du transport avait demandé aux taxis-vélos. Ils ne font que du copier-coller par rapport à ce qui a été fait aux taxis et motos. Parce que la mesure intimant l'ordre aux motards de porter les gilets, de mettre la petite plaque là qui porte le même numéro que celui du gilet, c'est une mesure qui a été prise lors des manifestations. Il y avait recrudescence de la criminalité sur moto. Alors, laquelle mesure d'ailleurs sont passées par le conseil des ministres? Jean-Claude Mawenimana explique qu'ils ont voulu faire des spéculations. Ce n'est que pure spéculation parce qu'ils ont vu qu'il y a quand même du pognon. Et c'est tout le monde alors dans ces associations qui voudrait en tirer profit. Mais je dois dire que si profit y en a, nous devons savoir qu'il y a une réglementation à laquelle nous devons nous conformer. Le président de la République demande que de telles organisations soient sanctionnées. La perception de l'argent est bien organisée au niveau communal, provincial ou par l'Office burundais des recettes, OBR. Lorsque les gens mènent ce travail sans que l'administration soit au courant, sans que cette perception soit autorisée, là, ils commettent des violations et doivent être sanctionnés. Certaines de ces organisations du domaine de transport ont organisé les systèmes de perception de l'argent avec parfois des emblèmes de l'administration publique sur leurs documents, mais à l'insu de cette dernière. Merci bien à Obin Niyonkuru. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric, à Albert Ndouaille pour sa parfaite collaboration technique. Le journal vous a été présenté par Alain Désiré Boukeneza. Meilleurs vœux de l'an 2017 à tous. Au revoir.